Attention. D-U-S-T, de A à Z. A chaque réveil j'ai un semblant d'espoir, mais c'est le rêve qui se termine. La vie s'illumine comme l'intérieur d'une mine. Guette par la fenêtre, il vit si c'est pas pointé. Jusqu'on lui doit, il reste désappointé. Sur ma life, faut contrôler toutes les situations. L'avenir, un putain de point d'interrogation. Serré dans les rangs administratifs, j'taffe pour une organisation à but lucratif. Quitte à incruster des têtes dans le sol, c'est ce qui sort de la console, voyelle console que l'on consomme. Taper des tripes avec mes vraies sauces. Quand les bourses ça m'écrit, c'est eux qui me trouvent des autres ressources. Renvoie l'ascenseur sans faire le coup en douce si je couille. C'est grâce en partie à mes gringos, nouveaux ou anciens, kiff sur mon conscient. Fait de son, il n'en faut pas plus pour amener notre science. Ramé pendant 10 ans, cramé dans tous les plans. Chiant sur ces types aux multiples déviances. Devine un peu ce qui motive à tracer comme une locomotive. C'est pour la mif, je m'active alors donne. Pour du sale rap francophone, y'a rien de plus extra. Alors donne tout ce que t'as, étale tout ça, car je contrôle cet extrait. Alors donne tout ce que t'as. Pour du sale rap francophone, y'a rien de plus extra. Alors donne tout ce que t'as, étale tout ça, car je contrôle cet extrait. Elle est au contrôle de la situation. Alors mon gars, et maintenant attention au flow créant des sensations. Écriture trop sensée, la rue nous a récompensé. Je desserre la ceinture, sors ma bite pour pisser sur la magistrature. Distribuant la signature, d'abord le dé pour destructeur impitoyable. Underground S, universitaire incontournable, endoré mes semblables. Je me sens soutenu, soutien de la police me ferait péter un câble. Préférer que je sois numéro table, comme un détenu. Retournant la barre, plaidant coupable, au détriment de leur espérance. J'avance en distribuant un son, attribuant un nouveau sens à notre existence. L'état d'urgence, on vit avec l'état qu'on perd depuis longue date. Pour qu'on quitte ce bled aussi sain. Alors donne tout ce que t'as. Pour du sale rap francophone, y'a rien de plus extra. Alors donne tout ce que t'as, étale tout ça, car je contrôle cet extrait. Attention, oh tension, oh tension, oh tension.